Il sera au matin avec eux Et il sera avec eux le soir, là où ils seront le soir, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ayyuha al-ikhwatul kiram, يقف الناس في الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يومئذ يعرق الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري. ويكون بعدها العرض والحساب والمناقشة. قال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعندها يبدأ المساءلة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه مسلم. وبعدها توزع الشهادات وتظهر النتائج. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. ثم يضرب جسر جهنم ليمر الناس عليه. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز. ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان: أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله تبارك وتعالى. فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله ومنهم المخضل ثم ينجو. شفر سير. Les gens seront positionnés dans cette situation pendant un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Ce jour-là, les gens sueront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour de la résurrection, les gens sueront au point que leur sueur pénétrera la terre sur une profondeur de 70 coudées. La sueur parviendra à hauteur de leurs oreilles, rapporté par Al-Bukhari. Après cela, il y aura la présentation devant Allah Azza wa Jalla et le jugement. Allah dit dans le Coran: et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang. Puis ils seront arrivés. Allah dira: avez-vous traité de mensonges mes signes sans les avoir embrassés de votre science? Ou que faisiez-vous donc? Et la parole leur tombera dessus à cause de leurs méfaits et ils ne pourront rien dire. Allah également dit dans le Coran: par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. Et selon Ali ibn Hatim radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera. Il n'y aura entre vous et lui aucun interprète. Chacun regardera alors à sa droite et n'y verra que les actions qu'il a accomplies. Il regardera à sa gauche et ne verra également que ce qu'il a accompli comme œuvre. Il regardera ensuite devant lui et ne verra que le feu qui lui fera face. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: mettez-vous donc à l'abri du feu, ne serait-ce qu'en faisant l'aumône d'une demi-date, rapporté par Muslim. Après cela, les livres seront remis à chacun et les résultats apparaîtront. Allah dit dans le Coran: quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte, et jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont apportés de la main, et on lui dira, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait jamais remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte, hélas comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ensuite, un pont au-dessus de l'enfer sera dressé afin que les gens le traversent. L'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte dans son sahih, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un pont sera jeté entre les deux bords de l'enfer, de tous les prophètes, je serai le premier à franchir ce pont avec mon peuple. Personne ne parlera ce jour-là en dehors des prophètes qui diront Allahumma sallim sallim. Ô Allah, accorde-nous ton salut. L'enfer sera tapissé de crochets aiguisés comme les épines de sardaigne aux dimensions monstrueuses. Le prophète dit ensuite, avez-vous vu les épines de sardaigne? Oui, répondirent ses compagnons. Le prophète dit ensuite, ces crochets anéantiront les uns et hacheront les autres selon leur œuvre, puis ils seront sauvés. Ayyuhal mu'minun, innaha la mawaqif, sawfa namurru biha. سوف نمر بها يجب على المسلم أن يعتقد ذلك يؤمر بك يا عبد الله لكي تعبر الصراط وهو جسر مضروب على متن جهنم تمشي على جسر وتحتك نار جهنم نار سوداء مظلمة ثم يطلب منك أن تعبر هذا الجسر وكما سمعت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن هناك كلاليب تشبه شوك السعدان لكن لا يعلم عظمها إلا خالقها سبحانه وتعالى مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حافة الصراط كلاليف معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فما أنت فاعل يا عبد الله والمرور والعبور كما سمعت في الحديث بحسب العمل في الدنيا فمنهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ومنهم الناجي أخرج البخاري عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهر جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة ملطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا شخص عبد الله Nous allons tous passer par ces situations. Il faut que le musulman en ait la certitude. Donc, ô toi serviteur d'Allah, il te sera ordonné de passer sur le sirat, qui est un pont dressé au-dessus de l'enfer. Tu marcheras sur le pont et l'enfer sera sous tes pieds, un feu noir et ténébreux, comme dans le hadith que nous venons de citer. Et il y aura des crochets aiguisés, comme les épines de sardaigne, aux dimensions monstrueuses. Et ils attraperont ceux qui leur ont été ordonnés d'attraper, comme dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce pont a deux extrémités, sur chacune d'elles, il y aura des crochets qui attraperont les gens par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ô toi serviteur d'Allah, comment feras-tu lorsqu'il te sera demandé de traverser le pont? Tu passeras en fonction de tes œuvres ici-bas, dont certaines des personnes resteront en enfer en raison de leurs mauvaises actions, et certains seront coupés ou arrachés par les crochets et tomberont en enfer, et certains autres seront punis et soulagés. Et l'imam al-Bukhari rapporte, selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite le pont sera posé à travers l'enfer. Les compagnons dirent, ô prophète, qu'est-ce que le pont? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un endroit glissant sur lequel il y a des colliers et des crochets comme une graine épineuse qui est large d'un côté et étroite de l'autre et a des épines avec des extrémités coudées. Une telle semence épineuse est trouvée dans l'Est et est appelée Sardane. Certains d'entre les croyants traverseront le pont aussi vite qu'un clin d'œil, d'autres aussi rapides que l'éclair, d'autres aussi rapides que le vent qui souffle, d'autres aussi rapides que les chevaux rapides ou bien les chameaux rapides. Ainsi, certains seront en sécurité sans aucun dommage. Certains seront en sécurité après avoir reçu quelques égratignures et certains vont tomber dans l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la dernière personne va traverser en étant traînée sur le pont. Ayyuhal mu'minun, wa yanfi'u al-'abd yawma idhin al-amanat wal-rahim. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمانة والرحمة تقومان على جنبتي الصراط. وما هو السبب في قيامهما ذلك؟ السبب هو أداء الشهادة للشخص أو عليه بما كان يفعله تجاههما من القيام بهما وأداء الواجب الذي أمر الله به نحوهما والوفاء والتمام الذي كان يسير عليه في حياته الدنيا أو تشهدان عليه بالخيانة والغدر وعدم القيام بالواجب نحوهما. فيا من في أعناقكم أمانات وكلنا عليه أمانات وكل بحسبه، أد الأمانة قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها في موطن تكون زلة تحتها قعر جهنم. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالدين كله أمانة، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، الغسل أمانة، العمل الصالح أمانة، والبيت والأولاد أمانة، والدعوة إلى الله أمانة، والعلم أمانة، والوالدان أمانة، ألا فليؤدي كل مؤتمن أمانته. أما الرحيم فيوم خلقه الله تبارك وتعالى تعلقت به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحفظ الرحمن فقال له مه، قالت: هذا مقال العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك. فقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. Chaque croyant, ce jour-là sera utile pour le serviteur, ses liens de parenté et le dépôt. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le dépôt et les liens de parenté se tiendront de part et d'autre du pont As-Sirat et ils viendront témoigner pour ou contre l'individu. Comment s'est-il comporté envers eux? A-t-il préservé le dépôt et ses liens de parenté? A-t-il accompli l'obligation d'Allah Azza wa Jal envers le dépôt et les liens de parenté? A-t-il été honnête ici-bas ou bien a-t-il trompé et trahi? Donc toute personne à qui il a été confié un dépôt, donc nous tous, nous avons des dépôts confiés suivant, donc chacun selon sa manière. Donc acquittez-vous de ce dépôt avant que ne vienne un jour où les pas glisseront après avoir été fermes et la glissade sera vers le fond de l'enfer. Allah nous dit dans le Coran: nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Et ils ont refusé de porter et ont eu peur. Alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Donc toute la religion est une amana. Les ablutions sont une amana. La prière est une amana. Al-Ghusl est une amana, le jeûne est une amana, le pèlerinage, toutes les œuvres pieuses sont une amana. Nos foyers, nos enfants, l'appel à l'islam, la science, nos parents, tout cela sont des amanettes. Donc, chaque personne à qui il a été confié une amana, qu'il s'en acquitte. Quant au lien de parenté, Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah créa la création ». Puis lorsqu'il termina, les liens de parenté se levèrent et dirent « Voilà la position de celui qui te demande protection contre la rupture des liens de parenté ». Allah répondit « Effectivement, seriez-vous satisfait si je me rapprochais de ceux qui vous respectent et m'éloignais de ceux qui vous brisent ?» Oui. Oui, répondirent les liens de parenté. Allah dit alors, cela vous est acquis. Puis Abu Huraira ajouta, lisez si vous voulez le verset de Sourate Mohammed où Allah Azza wa Jalla dit, en vous dérobant, ne risqueriez-vous pas de répandre le désordre sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là qu'Allah a maudit en les frappant de surdité et de cécité. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد فيا عباد الله ثم إن دعوة الأنبياء يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم والأنبياء بناحيتيه قولهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فإذا كان هذا دعوى الأنبياء اللهم سلم سلم فماذا يقول غيرهم؟ ماذا عساه أن يقول قاطع الرحم أو مضيع الأمانة أو مهمل الصلاة أو تارك الزكاة؟ ماذا عساه أن يقول آكل الربا والزاني وشارب الخمر؟ إذا كان الأنبياء عليهم السلام الذين عملهم الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى دعواهم يومئذ اللهم سلم سلم، فماذا يقول من همه محاربة الدعوة ومنابذة الشريعة ومخاصمة الملة؟ فعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتخادع بهم، يعني تسقط بهم جنبة الصراط تقاطع الفراش في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فينجي الله برحمته من يشاء. شسر كتاب الله. L'invocation des prophètes ce jour-là sur le sirat, ils diront اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. Ô Allah, accorde-nous ton salut. L'imam Ahmed, selon Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Puis le pont sera posé entre les deux extrémités de l'enfer. » Et les prophètes diront « Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. » Donc si cela est l'invocation des prophètes, que diront les autres? Que pourra dire celui qui rompt les liens de parenté? Que pourra dire celui qui ne prend pas soin du dépôt qui lui est confié? Que pourra dire celui qui néglige la prière? Que pourra dire celui qui ne donne pas la zakat alors qu'il en est redevable? Que pourra dire celui qui consomme les intérêts? Que pourra dire le fornicateur? Que pourra dire celui qui consomme de l'alcool? Si les prophètes, alayhimus salam, dont toute leur vie n'est qu'appel vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur invocation sera Allahumma sallim sallim. Que dira celui qui ne cesse de combattre l'appel à l'islam? Que dira celui qui combat la charia? Que dira celui qui est hostile à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront portés sur le sirat le jour de la résurrection. Les deux extrémités du pont tomberont et s'effondreront comme tombent les papillons dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, et Allah azza wa jal sauvera de sa miséricorde qui il veut. Ayyuhal muslimun. فإذا عبرت الأمم لأن كل الناس يعبرون عن الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فإذا عبرت الأمم وسقط من سقط ونجا من نجا وكل أخذ مكانه جيء بالموت فيوقف على الصراط ويذبح هناك أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين واجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيه أبدا. Chers musulmans, lorsque toutes les communautés seront passées sur le pont, car tout le monde y passera, même les prophètes, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là, car il s'agira pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et donc, lorsque toutes les communautés seront passées sur le pont, et que sera tombé ce qui seront tombés, et aura été sauvé ce qui auront été sauvés, et que chacun aura occupé sa place, on fera alors venir la mort sur le Sirat, et elle sera immolée sur le Sirat. Et que Majah rapporte selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fera venir la mort le jour de la résurrection, et on la mettra sur le Sirat, et il sera dit, ô habitants du paradis, ils apparaîtront apeurés et pleins de crainte de sortir de leur demeure. Ensuite il sera dit, ô habitants de l'enfer, et ils apparaîtront heureux et souriants de sortir de leur demeure. Il leur sera dit, connaissez-vous cela? Ils diront, oui, c'est la mort. Elle sera amenée et immolée sur le Sirat, et il sera dit aux deux groupes, éternité pour vous et pas de mort. Ayyuhal muslimun. كيف تكون النجاة من هول الصراط؟ إن الله تبارك وتعالى له صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام في الدنيا على صراط الله ثبته الله في الآخرة على الصراط. وصراط الله في الدنيا هو شرعه ودينه. هذا الصراط هو طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالزموا هذا الصراط واثبتوا عليه يثبتكم الله على الصراط يوم القيامة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف ثم إن الصراط يكون مظلما. تخيل معي تسير على جسر أدق من الشعر وأحد من السيف والطريق مظلم وتحتك جهنم وعندها تقسم الأنوار على العباد بحسب أعمالهم في الدنيا ليروا الطريق أمامهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة فإذا أضاء قدمه وإذا طفئ قام فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ضعط مزلة فيقال انجوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنه من يمر كالطرف ومنه من يمر كالريح ومنه من يمر كشد الرجل ويرمي الرمل فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه قال يجر يدا ويعلق يدا ويجر رجلا ويعلق رجلا وتضرب جوانبه النار أخرجه الحاكم في المستدرك. Chers musulmans, Allah Azza wa Jal possède deux sirats, un ici-bas et un dans l'au-delà. Donc celui qui se tient droit sur le sirat d'Allah Azza wa Jal ici-bas, Allah l'a permis dans l'au-delà sur le sirat. Et le sirat d'Allah Azza wa Jal ici-bas est son, ses lois et sa religion. Et le sirat est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc soyez fidèles à ce chemin et accrochez-vous-y afin qu'Allah Azza wa Jal vous a permis sur le sirat de l'au-delà. Muslim rapporte, selon Abu Sa'id al-Khudri, il nous dit, il m'est parvenu que le sirat est plus mince qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Et le sirat est obscur. Donc imaginez-vous, marchant sur un pont plus mince qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée et sur un chemin obscur. Et sous nos pieds, il y a le feu de l'enfer. À ce moment-là, les lumières seront distribuées aux serviteurs afin qu'ils voient le chemin devant eux. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il leur donnera leur lumière en fonction de leurs œuvres. Il y en aura qui recevront leur lumière comme une montagne géante entre leurs mains. Certains en recevront moins. Quant à certains, ils n'en recevront que l'équivalent d'un palmier et certains d'entre eux, moins encore, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux n'en recevra qu'un tout petit bout sur leur tête. Il n'aura qu'un peu de lumière sur son orteil qui tantôt s'allume et tantôt s'éteint. Et leur Seigneur sera devant eux les guidant pour traverser le pont jeté sur la vigne de l'enfer, laissant une trace semblable à celle du tranchant de l'épée. Et il leur dira de traverser. Leur passage sera relatif à leur lumière. Ainsi certains passeront aussi vite qu'un clin d'œil, d'autres comme l'éclair, d'autres comme le nuage, d'autres comme des comètes, d'autres comme le vent, d'autres comme des chameaux, d'autres comme la course de l'homme. Mais avant enfin celui qui recevra la lumière sur le bout de son orteil, rampant sur son visage, ses pieds et mains, et ses flancs seront touchés par le feu. Le hadith est rapporté par Al-Hakim. عباد الله أهل النفاق الذين كانوا يتظاهرون في الدنيا بالصلاح والدين ويظهرون الحرقة على الدين وربما نسبوا لأنفسهم مشاريع إسلامية وهم في الحقيقة منافقون إنما يفعلون ما يفعلون لمصالح شخصية هؤلاء ينكشفون عندما تقسم الأنوار فيعطى المؤمن نورا ويترك ذلك المنافق الذي قد انطفأ نور الإيمان في قلبه في الدنيا وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور فيريد المنافق أن يستضيء من نور المؤمن ولكن بدون جدوى قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Chers serviteurs d'Allah, quant aux hypocrites, ceux qui montraient ici-bas qu'ils étaient bons, qu'ils étaient croyants, ils montraient leur amour pour cette religion, peut-être même avaient-ils des projets islamiques, mais ils étaient hypocrites faisant cela pour des intérêts personnels, sans croire en Allah Azza wa Jal. Ces gens-là seront dévoilés lorsque les lumières seront dispersées, ou bien distribuées, et le croyant recevra sa lumière et l'hypocrite sera abandonné car la lumière de la foi dans son cœur était éteinte. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Et les hypocrites voudront alors être éclairés par la lumière des croyants, mais sans succès. Allah nous dit dans le Coran, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. Ils diront alors, n'étions-nous pas avec vous? Oui, répondront les autres, mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui donc, on acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru, votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable, et quelle mauvaise destination. Sallallahu ta'ala, l'asma'il husna, wa sifatil ula, an yahfadana yawm al-qiyamah. اللهم احفظنا يوم القيامة، اللهم احفظنا بعد الممات، اللهم احفظنا عند العرض عليك، اللهم ثبتنا على الصراط يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا عزيز يا غفار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس أذل البأس، اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الاخوان الذين يساهمون لهذا المسجد باموالهم واوقاتهم وجهودهم ودعواتهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم واجعل كل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. اللهم بارك لهم في إيمانهم وفي تجاراتهم وفي أموالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي جميع شؤونهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلاة الجمعة الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون بعد الساعة كما تعلمون، يعني سننتقي إلى التوقيت الصيفي. كذلك للملاحظ للكثير من الإخوة يتأخر، فالمرجو من الإخوان أن يكونوا متواجدين عند صعود الخطيب على المنبر، من صعود الخطيب على المنبر، فالمطلوب أن يحضر الإنسان الخطبة والصلاة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Donc également, on a remarqué qu'il y a beaucoup de retard à la mosquée. Donc il faut que les gens fassent tout leur possible pour être présents lorsque le khatib monte sur le minbar. Car il n'est pas demandé aux gens seulement d'accomplir la prière de deux rakat. La prière de Zoro a été rendue deux rakat à cause de la khutba. Donc faites votre possible, barakallahu fikoum, pour être présent du début du discours. Jazakumullahu khairan, wa sallallahu wa sallim, wa barik ala khifa wa rasulika Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.